monter le cash, augmenter le PIB. Je lui dis de m'appeler Jamie, elle m'appelle baby. Non, non, c'est pas comme Mas. J'suis pas effrayé pour ton big ass. Dans l'industrie depuis petit comme Nas. Nas, Nas, menace to society. J'suis matrixé depuis que j'ai vu le film. Dernier de la classe, j'étais le dernier de la file. Dernier de la file en last, last, last, last. J'suis en last, last, bernard. Hey. Habillé en les bons gars, j'viens de Paris. N'agent pas d'attentat. Hey. Depuis que j'suis pesé, j'pense qu'à moi-même. J'suis braque sa mère au fusil. Pour pas qu'il revienne. Je ne sais pas ce que je suis prêt à faire si tu touches ma fierté. Même si c'est dur, je veux que tu me dises la vérité. J'ai les gangs, mec, on fait du fric. Fake, fake, y'en a pas sur la pix. Tout pour l'équipe, tout pour les briques. On a des flingues, on a des sticks. Gold. C'est nous les queues crasses, c'est nous les codes. Avoir la vue sur la côte ou la vue sur un city. Sur une grosse BBL ou bien sur un cape. J'ai laissé l'été, je me sens mieux en Yeezy. Goat. Deux roues pour la capitale. Ça me ralentit grave d'être en auto. Trop busy pour l'embouteillage. Pur en grosse quantité. Je peux pas trop t'en parler. J'vends là, j'vends là. J'ai même failli t'en parler. Nana. Une petite pensée au ciel avant de boire. Un verre de bois, un verre de Jack. C'est nous les goats, c'est nous les goats. Les cracks, glow, glow. T'es mal les stats. Depuis que j'suis busy, j'pense qu'à moi-même. Je braque sa mère au fusil. Pour pas qu'il revienne. Je ne sais pas ce que j'suis prêt à faire si tu touches ma fierté. Même si c'est dur, j'veux que tu me dises la vérité. J'ai des gangs, mec, on fait du fric. Fake, fake, y'en a pas sur la pix. Tout pour l'équipe, tout pour les briques. On a des flingues, on a des sticks. Goat. C'est nous les queues crasses, c'est nous les côtes. On est style gang, mec, on fait du fric. Fake, fake, y'en a pas sur la pix. Tout pour l'équipe, tout pour les briques. On a des flingues, on a des sticks. Goat. C'est nous les queues crasses, c'est nous les